professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment se développer avec un grand cerveau? D'Homo erectus à l'homme de Néandertal, comment se combinent les éléments des modèles des grands singes et des modèles humains, demande le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Comment stabilise-t-on la réserve de calories? Quelle est la qualité de la nourriture de nos lointains ancêtres? Comment peut-on reconstituer le régime alimentaire de créatures vivant il y a 1 million, 2 millions d'années? Quelle est la place de l'anatomie comparée pour comprendre le système masticateur? Et que peut-on apprendre de l'étude des facettes d'usure des dents? Comment la micro-usure dentaire peut-elle révéler un développement dans un environnement aride? Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité titulaire de la chaire internationale de paléanthropologie au Collège de France, auteur de nombreux travaux sur l'évolution des Néandertaliens et sur les origines africaines des hommes modernes, a joué un rôle pionnier dans le développement de la paléanthropologie virtuelle qui fait largement appel aux techniques de l'imagerie médicale et industrielle et à l'informatique pour reconstituer et analyser les restes fossiles. Il s'est aussi intéressé à l'évolution des rythmes de croissance et au développement cérébral chez les hominidés, ainsi qu'à l'histoire de cette discipline. C'est dans cette perspective et à l'aune des dernières découvertes qu'il interroge dans sa nouvelle série de cours intitulée « Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine » les stratégies des espèces animales pour extraire de l'énergie et l'allouer à différentes grandes fonctions, grandir, se reproduire, se réparer, et à différents organes, le cerveau, le tube digestif, des tissus, les muscles. L'anthropologue Nicolas Zwins indique que Jean-Jacques Hublin est passionné par la diversité du vivant et par ce qui nous distingue en tant qu'être humain du point de vue biologique mais aussi comportemental. C'est cette approche ouverte et interdisciplinaire qui fait entrer aussi bien l'anatomie que la chimie, ou la génétique et l'anthropologie, que nous retrouvons toute cette semaine. Le magazine Science et Avenir, revenant sur la vocation de paléanthropologue de Jean-Jacques Hublin, rappelait dans un portrait qu'il avait réussi, en omettant de révéler son âge, à intégrer un chantier de fouilles dès l'âge de 15 ans en Corrèze, sur un site datant de la transition entre Néandertalien et Homo sapiens, à moins 40 000 ans environ. Depuis, la question du rapport entre ces deux espèces le fascine toujours autant. Dans le cours précédent, il s'est intéressé au fait de grandir avec un grand cerveau, ce qui caractérise l'humain, et aux stratégies d'économie d'énergie pour gérer ce grand cerveau. Il s'est penché sur les combinaisons des modèles des primates et des hommes. Il poursuit l'analyse avec Homo erectus et l'homme de Néandertal ce matin. Rien n'est simple dans l'évolution. Et nous gagnons le Collège de France les 24 et 31 octobre 2017 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, grandir avec un grand cerveau et s'alimenter. Passons maintenant au premier représentant du genre homo. Et concrètement, c'est essentiellement des homo erectus anciens qui ont été étudiés. Toujours la même étude de Dean, qui était vraiment une étude pionnière en 2001. Même genre de schéma que ce que je vous ai montré la dernière fois. On compare ici des vitesses de croissance de l'émail dentaire, c'est-à-dire combien de jours faut-il pour construire une certaine épaisseur d'émail dentaire. Et là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'à nouveau, on va trouver nos premiers représentants du genre homo associés aux grands singes et non pas associés aux hommes actuels. Vous voyez déjà que les Néandertaliens, ils ont introduit un Néandertalien qui est là, ici en rouge. Vous voyez qu'il est à la limite inférieure de la distribution moderne, c'est-à-dire une croissance qui est dans la variation moderne, mais vraiment du côté d'un développement plus rapide. Mais en tout cas, les premiers représentants du genre homo, ils semblent très loin de ce schéma-là encore. Et c'est une affaire qu'on a étudiée beaucoup plus en détail par la suite, en particulier sur cet individu, qui est l'individu connu sous le nom de enfant de Nariokotome. Alors, enfant, on n'est pas très sûr que c'est vraiment un enfant. De temps en temps, on dit un adolescent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il présente... D'abord, ce qui est très important, c'est que c'est un squelette qui est presque complet. Non seulement on a la denture, mais on a la taille du cerveau, on a la maturation des os, du squelette, des membres, etc. Donc on peut étudier énormément de choses. Et donc, quand on a étudié sa denture, grâce à ces méthodes, ça a été une énorme surprise. Pourquoi ? Parce que, en termes de maturation squelettique, cet enfant, enfin cet adolescent, il a une maturation squelettique qui correspondrait à un enfant actuel d'environ 13 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et il a une taille qui est la taille d'un Africain, parce qu'il était trouvé en Afrique, donc on est allé voir des populations africaines dans la région, d'un jeune Africain d'environ 16 ans. Donc c'est pour ça qu'on a parlé d'adolescent. Alors le problème, c'est que quand on a regardé ces structures dentaires avec ce moyen de mesurer la vitesse de croissance, on s'est rendu compte que si cet enfant de Nariokotome avait une périodicité de formation des stries de Redius de 8 jours, qui est la fréquence la plus connue chez les hommes actuels et chez pas mal d'hommes fossiles, eh bien il est mort autour de 8 ans. Et donc on a un adolescent de 8 ans qui a la taille d'un Africain de 16 ans et qui a une maturation squelettique d'environ 13-14 ans. Donc, une combinaison de caractères qui est absolument différente de ce qu'on a chez un homme actuel. Et ça a beaucoup d'implications. En gros, dans les dernières études qui ont été faites sur ce spécimen, on est venu à la conclusion que, en gros, c'était une créature, enfin un homme, si vous voulez, qui... à l'âge adulte, aurait eu à peu près 1,80 m et 80 kg, mais qui aurait grandi avec un mode de croissance d'un grand singe, c'est-à-dire en gros en étant adulte à 12-13 ans et capable de se reproduire probablement même avant. Alors ça a des tas d'implications. On est allé aussi regarder s'il y avait moyen d'établir l'âge du sevrage de cet individu. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment trouvé de moyen de mesurer directement son régime alimentaire de façon avec des méthodes physico-chimiques. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder ces lignes d'hypoplasie sur l'émail dentaire. Alors, ces lignes d'hypoplasie sont des petits défauts dans l'émail qui se produisent au moment d'un stress biologique, et souvent quand il y a des problèmes de nutrition en particulier, ça se produit au cours du développement. Et donc, chez l'enfant de Nariokotome, on a des lignes d'hypoplasie entre un âge qui correspond entre 3 ans et demi et un peu plus de 4 ans. Et ça, c'est très intéressant parce que vous souvenez que c'est l'âge du sevrage chez les chimpanzés. Donc, Ce qui émerge peu à peu avec cet enfant de Nariokotome, c'est, dans le fond, quelque chose qui, au point de vue de la taille, de la silhouette, peut-être du comportement, ressemble beaucoup à un homme, mais qui, quand on regarde dans le détail ses paramètres biologiques et ses paramètres de croissance, en fait, est encore très, très différent de ce qu'on trouve chez les hommes modernes et qui rappelle beaucoup ce qu'on trouve chez d'autres grands primates. Par exemple, cette histoire de sevrage, ça pose vraiment la question de savoir est-ce que ces Homo erectus, est-ce qu'ils grandissaient en fratrie comme les hommes modernes ? Est-ce qu'une femme avait plusieurs petit à la fois. Ça paraît difficile si le sevrage était à 4 ans. Alors, bon, je vous laisse réfléchir à toutes les conséquences sur le plan social et sur le plan psychologique à propos de cette histoire de reproduction coopérative chez les hommes modernes. Alors, dernier point à propos des Homo erectus que je voudrais évoquer, c'est le développement cérébral. Donc, on peut, là encore, je reviens à ce schéma qui vous montre la taille proportionnelle du cerveau, c'est-à-dire en fonction de l'âge adulte, hein, c'est un pourcentage. Le seul petit Homo erectus que l'on ait, c'est ce crâne qui vient de Java, qui est daté quelque part autour d'1,6 million, peut-être 1,7 million, 1,5 million, qui est mort entre 6 mois et 1 an. Quand on compare la taille de son encéphale à celle d'Homo erectus de cette époque-là, on tombe, encore une fois, dans des valeurs qui sont assez éloignées des moyennes actuelles. Disons que dans le meilleur des cas, et ça a été confirmé par d'autres études, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre ce qu'on observe chez des hommes actuels et ce qu'on observe chez les chimpanzés. Dernier point, on a un bassin en Afrique qui a été attribué à un de ces Homo erectus anciens, femelle. Alors, je vous le dis tout de suite, cette attribution, elle est discutée, parce que, évidemment, on a un bassin qui est tout seul, donc, il date entre 1,4 et 0,9. En Afrique de l'Est, normalement, à cette époque-là, c'est essentiellement des Homo erectus, mais il y a encore des paranthropes qui traînent dans le coin, si je peux dire. Certains ont dit que c'est peut-être un paranthrope. Mais enfin, bon, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la taille donc du détroit supérieur, inférieur dans ce bassin, et qu'on essaie à partir de ça de faire une évaluation de la taille du crâne à la naissance, et qu'ensuite on fait le rapport entre cette taille et la taille d'un crâne d'Homo erectus adulte, eh bien, on trouve une valeur qui est, encore une fois, intermédiaire entre ce qu'on trouve chez un homme et ce qu'on trouve chez un chimpanzé. Vous vous souvenez, chez un homme, je vous ai dit, à la naissance, à peu près 25-28%, chez un chimpanzé, autour de 40. Là, on est autour de 35. Donc, tout ça semble assez cohérent. Alors, avec les Néandertaliens, on a un problème, si je peux dire, c'est que, là, on est vraiment à la fin de notre courbe, vous vous souvenez, où on voit cette augmentation du coefficient d'encéphalisation très forte dans les derniers 500 000 ans. Donc, on a des formes qui ont des cerveaux aussi gros que le nôtre. On a des adultes néandertaliens qui ont des cerveaux même plus gros que la plupart des cerveaux qui sont dans cette salle. Et donc, normalement, on attend des paramètres d'histoire de vie et de développement qui soient très proches de ceux de l'homme actuel. Alors, c'est vrai en général, mais c'est pas complètement vrai, et c'est assez problématique. En particulier, le développement dentaire, quand on compare l'âge histologique, c'est-à-dire basé sur les microstructures, et l'âge en utilisant des standards modernes d'éruption dentaire, eh bien, on a toujours la même différence que ce qu'on observait avec nos Homo erectus. C'est-à-dire qu'on a des individus qui ont l'air d'avoir 11 ans, mais qui, en fait, ont 8 ans. On a des individus qui ont l'air d'avoir 16 ans, parce qu'ils ont une M3 qui est déjà en train de sortir, mais en fait, quand on regarde les microstructures dentaires, ils ont 12 ans. Et vous vous souvenez qu'il y a une très forte corrélation, par exemple, entre l'éruption, la date d'éruption de la troisième molaire chez tous les primates et l'âge à la première reproduction. Donc, si on achète, si je peux dire, cette notion-là, ça veut dire que les Néandertaliens ont un rythme de développement qui est quand même plus rapide que le nôtre. En tout cas, peut-être une entrée dans la reproduction à un âge plus précoce que celui des hommes actuels. Et ça, bon, ça pourrait s'expliquer en particulier par une mortalité forte chez les adultes, en particulier chez les jeunes adultes, et donc un intérêt, si je peux dire, d'entrer dans la reproduction le plus tôt possible. Vous vous souvenez aussi que ces paramètres d'histoire de vie dont on a parlé la dernière fois, vous vous souvenez que même à l'intérieur de populations actuelles, il y a des variations, c'est-à-dire que des populations actuelles s'adaptent à des conditions différentes. Vous vous souvenez, mes pygmées, là, qui avaient une fertilité plus élevée avec des enfants plus petits que d'autres populations. Donc il y a une plasticité même à l'intérieur de l'espèce actuelle. Si on regarde le cerveau des Néandertaliens, bon, là, il n'y a pas vraiment de grande surprise parce que, comme je vous l'ai dit, ils ont un très gros cerveau. Et donc, quand on compare chez des fossiles de Néandertaliens enfants, la taille du cerveau avec la taille à la naissance ou la taille moyenne de l'adulte, en gros, ils sont dans la variation des hommes modernes, mais quand même avec une tendance à un développement un peu plus rapide, ce qui, dans le fond, n'est pas vraiment une surprise, compte tenu de ce que je viens de vous dire à propos du développement dentaire. Alors quand même, cette idée qu'on a des êtres avec un cerveau très grand, mais qui se développent un peu plus vite que les hommes actuels, en tout cas qui sont à la limite, supérieure de la vitesse de développement chez les hommes actuels, ça pose des sérieuses questions sur le plan énergétique. Hein. Parce que, vu la masse corporelle d'un néandertalien, imaginez une femelle néandertalienne enceinte ou allaitante, c'est encore pire, il faut qu'elle extrait de l'environnement de l'énergie dans une quantité qui est considérable, hein, au-dessus de ce que, consomme une femme moderne. Hein. Donc ça a des implications sur le comportement, sur l'organisation sociale, sur la capacité de ces hommes à trouver cette énergie dans l'environnement. Alors il y a quelque chose d'assez particulier avec le développement chez les Néandertaliens du cerveau, c'est que quand on regarde chez l'homme actuel les changements de forme de l'encéphale au cours de la croissance, au tout début de la vie, eh bien on part d'une forme qui est une forme relativement oblongue vers une forme qui est beaucoup plus globulaire. En gros, ce qui se passe, c'est un développement du cervelet et une protrusion des régions pariétales. Ce qui est remarquable, c'est que, dans le fond, cette différence-là, c'est la différence qu'on a entre un néandertalien et un homme moderne adulte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence entre néandertalien et homme moderne, elle se met en place au tout début du développement, au tout début de l'enfance. Je n'ai pas le temps de m'étendre énormément là-dessus, mais on a beaucoup travaillé dans mon département sur ce problème-là. Ici, il s'agit d'un graphique qui vous montre en deux dimensions des changements de forme. Donc, quand on se déplace dans ce plan, ça correspond à des changements de forme. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le développement chez les hommes actuels, chez les Néandertaliens, chez les chimpanzés, il y a cette trajectoire qui est une trajectoire commune, qui est probablement la trajectoire, je dirais, ancienne, ancestrale des hominoïdes. Et disons, c'est comment on fabrique avec un cerveau de nouveau-né néandertalien un grand cerveau de néandertalien adulte. Chez les hommes modernes, il y a une phase supplémentaire qui se rajoute. Et c'est cette phase, pendant la première année de vie, pendant laquelle on a cette croissance du cervelet et cette protrusion des bosses pariétales, ça suggère évidemment qu'il y a un développement un peu plus long chez l'homme moderne, puisqu'on a en quelque sorte ajouté une phase dans le développement. Au passage, je vous signale que chez nos plus anciens ancêtres, je vous montre ce crâne qui est un des crânes de Jebel Irhoud, forme les plus anciennes d'Homo sapiens, vieille de 300 000 ans, on a un encéphale qui a presque atteint la taille qu'on a chez des hommes actuels, mais qui a encore la forme primitive. Et donc, cette phase de globularisation, c'est quelque chose qui s'est installé au cours des derniers 300 000 ans. Et on sait qu'au cours de ces derniers 300 000 ans, il y a un certain nombre de mutations qui se sont produites le long de la lignée qui mène à l'homme moderne, depuis la séparation avec les Néandertaliens, Et parmi ces mutations, qui sont des mutations propres à notre lignée, qui ont pu être mises en évidence grâce à la comparaison avec le génome néandertalien, eh bien on sait qu'il y en a un certain nombre qui sont liés au développement ou au fonctionnement cérébral. Et donc c'est probablement l'accumulation de ces mutations-là qui a donné naissance à cette forme particulière du cerveau chez l'homme actuel. Et ce n'est pas seulement une question de forme, c'est aussi une question de connectivité. Donc, malheureusement, on a peu d'enfants néandertaliens, disons, pré-adolescents, essentiellement cet enfant du Moustier dont je vous ai déjà parlé. On a un enfant un petit peu plus jeune qui vient de Téchiktach en Ouzbékistan. Les données qu'on a sur le squelette postcrânien confirment plus ou moins ce que je vous ai dit, c'est-à-dire une croissance qui est proche de celle des hommes actuels, mais plutôt du côté d'un développement somatique plus rapide, avec l'idée qu'il y a une entrée dans l'âge de la reproduction qui est sans doute un peu plus précoce que ce qu'on trouve généralement dans les populations actuelles. Un mot du bassin. Alors, ça, c'est un bassin de néandertaliens très ancien, près de 400 000 ans. Je vous le montre simplement pour vous le comparer à un bassin d'hommes modernes. Ce sont des hommes, donc là, pour l'instant, il n'est pas question de bébés, mais vous voyez quand même la largeur de ce bassin, la taille de ce bassin par rapport à un bassin d'hommes modernes. Donc on a des formes qui sont très larges, qui ont un bassin très large, et on retrouve cette forme dans les bassins féminins, en tout cas dans celui qu'on a réussi à reconstruire avec mon collègue Tim Weaver, qui est un bassin d'une femme néandertalienne qui vivait au Proche-Orient. Ce qui est intéressant à propos de ce bassin de cette femme, c'est que apparemment on n'a toujours pas la morphologie que l'on a chez des femmes actuelles. Chez des femmes actuelles, le détroit supérieur et le détroit inférieur sont légèrement en forme ovale et sont orientés de façon perpendiculaire l'un par rapport à l'autre, ce qui permet ou oblige cette rotation de la tête. Eh bien, chez cette femme de Taboun, on a le détroit supérieur et le détroit inférieur qui sont tous les deux orientés de façon transversale. Donc, probablement la conservation, malgré la grande taille du cerveau, de cette mise au monde des enfants qui n'implique pas une rotation. Sevrage chez les néandertaliens, alors toujours pareil, en étudiant les lignes d'hypoplasie, là on a, contrairement à ce qu'on avait chez les Homo erectus, des âges de sevrage, des périodes de sevrage plutôt, qui correspondent plus ou moins à ce qu'on trouve chez des hommes modernes. Voilà, j'en ai fini avec les fossiles. Simplement, je voudrais, pour conclure, vous dire que ce qui est fascinant, c'est que quand on explore ce qu'on a chez les Australopithèques, chez les premiers homos, chez les Homo erectus, chez les Néandertaliens, eh bien, on a à chaque fois une mosaïque de caractères plus ou moins humains, mais jamais complètement humains. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on trouve des différences. Alors, ces différences sont très marquées avec les Australopithèques, elles sont peu marquées avec les Néandertaliens, mais même avec les Néandertaliens qui vivaient encore il y a 40 000 ans, ici, autour de la place Marcelin Berthelot, eh bien, on a encore des différences dans le développement. Et finalement, c'est seulement avec notre espèce et avec les hommes modernes récents que l'on va trouver tout l'ensemble de ces caractères qui sont des caractères complètement humains en termes de développement. Pour finir, je vous montre juste deux diapositives. Ça, c'est encore une fois une étude au synchrotron de microstructures dentaires. Et il s'agit d'un de ces fossiles de Jebel Irhoud, vieux de 300 000 ans, un Homo sapiens très ancien. Pour la première fois, on a quelque chose qui correspond exactement à ce qu'on trouve chez des hommes actuels en termes de vitesse de développement dentaire. C'est-à-dire, quand on compte ces stries, qu'on regarde les stades de développement dentaire, eh bien, ce petit enfant qui est mort quand il avait à peu près 8 ans, eh bien, est effectivement mort quand il avait 8 ans. Et ces paramètres de développement correspondent à ce qu'on trouverait aujourd'hui chez notre population de référence étaient des écoliers de la ville de Newcastle, en Angleterre. Et ben voilà, ce petit homo sapiens archaïque de Jebel Irhoud, il grandissait comme les enfants de Newcastle. Et dernière diapositive, je voulais finir avec les grands-mères. Vous vous souvenez que on a beaucoup parlé la dernière fois de, dans le fond, pourquoi les femmes survivent à la ménopause. Hein. Et sur le plan adaptatif, darwinien, c'est un petit peu difficile à expliquer. Donc il y a plusieurs explications qui ont été notées. Je vous rappelle que les baleines aussi ont des chefs qui sont des vieilles baleines. Et donc, une des idées, c'est que, dans le fond, le fait d'avoir des grands-mères, ça donne un avantage sélectif aux enfants de la fille. D'accord ? Alors, le problème, c'est qu'on a des corrélations, mais on a du mal à trouver une démonstration, vraiment, de cette histoire-là. Alors, comme je vous l'ai dit, ça a été beaucoup critiqué parce qu'on s'est dit, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas seulement les grands-mères qui aidaient leurs filles, mais tout le monde, en fait, les filles. Mais surtout, on a essayé de voir si dans le registre fossile, on pouvait trouver des grands-mères. Hein. Et les gens qui avaient l'approche théorique, hein, ceux qui étaient les tenants de life history theories, dans le fond, soutenaient que il devait y avoir des grands-mères déjà avec les Homo erectus, parce qu'ils ont un grand cerveau, parce qu'ils sont grands, parce que, etc. Et il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années par deux chercheuses américaines où, alors, elles ont essayé, on peut pas déterminer l'âge à la mort des gens âgés, c'est très très difficile. Les enfants, je vous explique, on arrive à une grande précision, les gens âgés, c'est très difficile. Ce qu'elles ont fait, elles ont regardé l'usure dentaire et, sans rentrer dans les détails, elles ont, en gros, séparé tout le matériel fossile qu'elles avaient en jeunes adultes et vieux adultes. Hein. Et c'est assez facile à faire, disons, en gros, en regardant les stades d'usure des molaires. C'est-à-dire, on a des individus dont la troisième molaire vient de sortir, a pas du tout été usée, mais où déjà la première molaire est un peu abrasée. Et puis après, on a à l'autre extrémité des individus dont la troisième molaire est aussi usée que ce qu'on a trouvé chez les premiers sur la première molaire. Donc elles ont fait comme ça des lots de fossiles et un traitement statistique par rééchantillonnage de tous ces fossiles. En fait, ce qu'elles ont montré dans leur étude, c'est qu'en fait, on trouvait une variation au cours des temps géologiques et en passant d'un groupe à l'autre, des Australopithèques aux premiers homos, des hommes du Pléistocène inférieur et moyen aux Néandertaliens, il y avait un allongement, enfin, il y avait un accroissement du nombre d'individus âgés, mais que ce nombre d'individus restait toujours extrêmement faible. Et qu'en fait, ça n'est qu'avec le paléolithique supérieur et les hommes modernes qu'on trouve une proportion qui est complètement différente de ce qu'on avait avant. Et vous voyez là, sur ce dernier schéma, leur point de repère pour les hommes modernes, eh bien, ne rentre même pas sur le diagramme. Donc, elles ont mis une flèche pour dire qu'il était à côté. Et donc, ça pour vous dire que, en fait, cette survie des gens âgés, c'est quelque chose qui a probablement toujours existé chez les hominines, mais apparemment, ces gens âgés, pendant très longtemps, n'ont représenté qu'un tout petit nombre d'individus. Et c'est assez difficile d'imaginer qu'ils aient eu un rôle en termes de sélection naturelle qui était vraiment prépondérant. C'est probablement, et là encore, vous voyez cette idée que c'est essentiellement avec les hommes modernes que l'ensemble des caractères humains se mettent en place, et bien même pour cette histoire de la survie des grands-mères, et bien c'est encore une fois avec des hommes modernes, et même des hommes modernes relativement récents, qu'on voit ce caractère apparaître. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, aujourd'hui, grandir avec un grand cerveau et s'alimenter. Thank you. Bien évidemment, l'alimentation tient un rôle central dans les questions de gestion de l'énergie. Et depuis déjà plusieurs cours, nous avons commencé à explorer ces problématiques. J'avoue que, en préparant cette conférence aujourd'hui, je me suis rendu compte que, en fait, c'est à la fois facile parce qu'il y a énormément de choses à dire à propos de l'alimentation, et puis difficile aussi parce que, en réalité, on pourrait consacrer un cycle de cours entier à l'évolution de l'alimentation chez les hominines, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et ça touche à d'autres questions, en particulier la question de la prédation, qui est aussi un thème qui, je pense, mérite un cycle de cours, et peut-être que je m'y consacrerai dans les années qui viennent. Donc, juste pour vous remettre en tête les questions qui nous intéressent, vous avez bien compris que la question du cerveau, de la consommation d'énergie par le cerveau, était au centre des problèmes, si je peux dire, de l'adaptation des hominines. Et singulièrement, ces problèmes d'énergie apportée au cerveau sont devenus critiques au cours des dernières centaines de milliers d'années, mais c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Et vous avez aussi compris que, dans le fond, pour y arriver, enfin pour arriver à fournir au cerveau en croissance et ensuite au cerveau adulte l'énergie nécessaire, eh bien, en fait, diverses voies adaptatives avaient été suivies en jouant sur tout un clavier, si je peux dire, d'adaptation. Il y a quelque chose qui est, dans le fond, central dans tout ça, c'est la façon dont l'énergie est allouée à différentes fonctions ou à différents organes. Donc, une voie qui a été suivie par les hominines, ça a été, dans le fond, de réduire la consommation énergétique de certains organes pour réinvestir cette énergie dans le cerveau. Et puis aussi, on l'a vu, la question est encore plus complexe parce qu'il ne s'agit pas seulement d'organes, les muscles, le côlon, d'autres parties de l'organisme. Il s'agit aussi de fonctions, hein, de fonctions à remplir, et en particulier la croissance et la reproduction. Et les hommes, enfin les hominines, avant les hommes actuels, se sont, dans le fond, tirés d'affaire en allongeant la durée de la croissance et aussi en retardant, après la naissance, un certain nombre de développements qui se produisent avant la naissance chez d'autres mammifères. Hein. Et donc, c'est un petit peu comme emprunter de l'argent pour acheter une maison ou un appartement. Si on emprunte sur 20 ans ou 30 ans, on peut se permettre d'acheter une plus grande maison, un plus grand appartement. Évidemment, il faut payer très longtemps. Mais c'est un petit peu ça la voie qui a été suivie par les hominines. Il y a un poste, si je peux dire, sur lequel une économie a été faite aussi, c'est la locomotion. Et ça sera l'objet d'un cours prochain. On va parler particulièrement du coût de la locomotion et de ce qui est particulier dans la locomotion humaine. Mais évidemment, il y a une autre voie qui est extrêmement importante, qui n'est pas de gérer l'énergie, mais d'en obtenir plus. Hein. Et vous vous souvenez du paradoxe de pourquoi ceux qui ont une grosse voiture ont aussi une grande maison. Hein. Et donc, les hommes ont essayé d'avoir la grande maison, la grosse voiture. Et pour ça, il leur a fallu extraire de l'énergie en grande quantité de l'environnement avec, d'abord, un accroissement de la qualité de la nourriture. En gros, plus de calories en total, mais aussi plus de calories par volume de nourriture. Et puis ensuite, vous avez vu aussi que les hommes ont des trucs, si je peux dire, pour, dans le fond, assurer la sécurité de cet approvisionnement en aliments, en énergie, en particulier ce qu'on appelle la reproduction coopérative, c'est-à-dire le fait que les enfants ne sont pas élevés juste par leur mère, mais en fait par une collectivité d'adultes, et c'est ça qui leur permet justement de grandir pendant très très longtemps et d'avoir un retard de développement, si je peux dire, en particulier du cerveau, en étant très dépendant des adultes, mais en même temps en ayant la chance, si je peux dire, d'avoir une très très longue période de remodelage du cerveau en interaction avec l'environnement. Et puis, une autre petite astuce, si je peux dire, des hominines, ça a été de sécuriser cet apport en nourriture riche en stockant une grande partie sous forme de graisse. Donc, nous avons des bébés qui sont gras, beaucoup plus gras que les autres bébés des autres primates, et puis nous-mêmes, malheureusement, enfin, je dis malheureusement aujourd'hui, mais autrefois, c'était très important d'avoir cette réserve de calories. Donc, on va regarder cette question de la nourriture et de la qualité de la nourriture chez les hominines. Alors, évidemment, la première question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on reconstitue le régime alimentaire de créatures qui vivaient il y a 1 million d'années, 2 millions d'années ou plus. Et la première voie qui a été suivie pour reconstituer les régimes alimentaires, c'est la voie de l'anatomie comparée. C'est quelque chose qui remonte à Cuvier, qui remonte au début de la paléontologie des vertébrés, et qui a été très très largement utilisé pour essayer de comprendre comment, dans le fond, le système masticateur se modifiait pour s'adapter à tel ou tel type de nourriture. On sait que la morphologie dentaire, ici par exemple sur ce paranthrope d'Olduvai, le ratio entre les molaires et prémolaires et puis les dents antérieures, c'est quelque chose qui est lié à la dureté de la nourriture qui est consommée. On peut aller plus loin et regarder les microstructures qui se trouvent dans l'émail de ces dents, alors non pas cette fois-ci pour mesurer le temps de développement, mais plutôt pour voir comment ces structures dentaires, la façon par exemple dont les prismes d'émail sont disposés les uns par rapport aux autres, créer des résistances mécaniques particulières. Donc tout ça a été extrêmement étudié. Il y a quand même des limitations à cette approche-là. Et ces limitations viennent du fait que, eh bien, dans nos caractères anatomiques, évidemment, on peut trouver des explications fonctionnelles à tout un tas de choses, mais il y a aussi des caractères anatomiques qui continuent à être portés par un groupe particulier et qui parfois sont simplement hérités d'un ancêtre alors que sur le plan fonctionnel ils sont plus très importants. Donc il n'y a pas toujours une adéquation directe entre la morphologie et la fonction. Et puis il y a aussi en particulier à propos de l'alimentation, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que l'alimentation c'est quelque chose qui change au cours de l'année. Alors je parle évidemment surtout d'hommes qui vivent, qui sont des chasseurs-collecteurs, hein, ou même des formes d'hominines plus anciennes qui sont beaucoup plus dépendantes du monde végétal. Mais vous comprenez bien que en Afrique, il y a 2 millions d'années, il y avait déjà des périodes, des saisons sèches, des saisons humides, que la nourriture qui était disponible n'était pas toujours la même. Et en termes d'adaptation et en termes de comment la sélection s'applique à la morphologie, il faut bien comprendre que si pendant un mois de l'année, il y a seulement une nourriture très coriace qui va être disponible, eh bien, ceux qui ne sont pas équipés pour exploiter cette nourriture coriace ne survivront pas à ce mois-là. Et donc, même si ça dure seulement un mois, eh bien, on peut avoir de façon permanente des caractères morphologiques qui correspondent à cette adaptation, à ce type de nourriture particulier pour cette période de l'année. Et on aura cette morphologie le restant de l'année, même quand cette morphologie n'est pas nécessaire. Et donc, ça, c'est vrai pour la morphologie, c'est vrai aussi pour d'autres aspects adaptatifs. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. On peut aller plus loin avec les dents. On peut faire énormément de choses avec les dents. On peut regarder leur morphologie, on peut regarder, on va parler de leur usure. Vous allez voir, on va regarder aussi leur composition chimique. Les dents, c'est formidable parce que ça se conserve. C'est tout ce qui reste de nous, hein, au bout d'un bon moment, sont des dents. Hein. Et tant mieux pour les paléontologues. Donc les paléontologues aiment beaucoup les dents. Et en plus de ça, les dents sont porteurs d'énormément d'informations, à la fois parce qu'elles sont, leur morphologie est très conditionnée par le génome, et puis parce qu'elles ne sont pas remodelées au cours de la vie. Alors, on étudie les facettes d'usure des dents, et déjà, la topographie de ces facettes d'usure donne des indications, en particulier sur les mouvements masticatoires, et les mouvements masticatoires ne sont pas les mêmes en fonction de la nourriture que l'on consomme. Et puis, on peut, sur ces facettes d'usure, aller regarder des micro-traces qui correspondent eh bien, à cette abrasion de l'émail dentaire. Alors, cette abrasion, elle est liée aux aliments eux-mêmes qui peuvent contenir des particules abrasives. En particulier, les végétaux contiennent ce qu'on appelle des phytolithes, qui sont des petits éléments minéraux siliceux qui se trouvent dans les tissus végétaux et qui rayent l'émail dentaire. Et puis surtout, l'alimentation, elle est rarement complètement propre. Hein, et donc, il y a des particules abrasives qui sont mélangées avec l'alimentation et qui créent ces usures. Ce qui fait que, dans le fond, ce que l'on observe en termes d'allure de cette abrasion, c'est lié aux aliments, mais c'est lié beaucoup aussi à l'environnement. C'est-à-dire que si on a affaire à un environnement qui est un environnement aride, un environnement où il y a beaucoup de poussière, par exemple, eh bien, il va y avoir un type d'abrasion particulier des dents. Ce qui se passe avec l'abrasion, c'est que c'est quelque chose qui va assez vite, hein. Et surtout si on s'intéresse à une échelle vraiment microscopique. Autrement dit, quand on étudie l'abrasion sous forme de ces micro-stries, qu'on regarde si elles sont plutôt orientées toutes de la même façon, ou si on a des petits cratères qui se produisent, ou si on a des usures qui se produisent un peu dans toutes les directions, on peut, par comparaison, en prenant des populations humaines dont on connaît le régime alimentaire et dont on connaît l'environnement, eh bien on peut faire des études statistiques sur tous ces paramètres. Maintenant, il y a des logiciels qui font ça très très bien, qui sont capables d'analyser la topographie tridimensionnelle des dents et puis de sortir des chiffres qui expriment tous ces caractères. Et donc, on compare ça à des populations dont on connaît les conditions de vie. Mais comme c'est quelque chose qui va assez vite, il faut aussi comprendre que ce que l'on observe, c'est un signal qui correspond, dans le fond, aux dernières semaines, voire aux derniers jours de la vie d'un individu. Et donc, là encore, si vous vous placez dans des circonstances où il y a une variation saisonnière très importante, eh bien, on peut avoir des individus qui montrent en apparence des régimes alimentaires très différents, mais qui sont trouvés ensemble, simplement parce qu'ils ne sont pas morts à la même période de l'année. Donc on a ça à garder en tête. Donc on a tout ce corpus d'informations qui vient de la morphologie dentaire, des facettes d'usure et des stries. Alors ensuite, il y a un autre, traditionnellement, il y a une autre grande source d'informations qui est évidemment ce que l'on trouve comme reste dans les gisements archéologiques. Et c'est une photo que j'avais montrée, je crois, la première année de mon cours. Je vous la montre à nouveau. C'est une fouille que nous avons conduite il y a quelques années dans le sud-ouest de la France, et qui est un site qui existe toujours, qui est un site moustérien, donc laissé par les hommes de Néandertal, il y a 60 000 ans. et qui est une accumulation énorme d'os de rennes qui sont par milliers, par centaines de milliers même, empilés les uns sur les autres. Alors évidemment, ces restes archéologiques, on peut analyser l'âge des animaux, la façon dont ils ont été découpés, transportés, etc. On ne va pas rentrer dans ces sujets-là aujourd'hui. Encore une fois, c'est plutôt quelque chose à traiter avec la prédation en général. Simplement, il y a des biais là aussi qui sont à prendre en considération. C'est plus facile de transporter un renne qu'un mammouth. Hein. Donc, dans un site comme ça, on va trouver beaucoup de rennes, on ne va pas trouver des squelettes de mammouth. Hein. Alors, il y a des sites paléolithiques où on trouve beaucoup de restes de mammouth que les hommes ont transportés, mais enfin, je veux dire, ce n'est pas le plus courant. Hein. Donc, il y a ce biais-là. Et puis, surtout, il y a un autre biais, c'est la question de l'alimentation qui n'est pas d'origine animale, parce que les restes animaux, comme ce renne, eh bien, ça se conserve assez bien, c'est facile à identifier, on trouve beaucoup d'os, mais en particulier tout ce qui vient du monde végétal, normalement, on ne le trouve pas, enfin, sauf conditions absolument extraordinaires. En tout cas, dans les gisements moustériens comme celui-là, on n'en trouve pas. Et donc, il y a là une source de, si je peux dire, d'exagération de la part carnée de la nourriture, enfin du régime alimentaire. Et vous allez voir que, en fait, il y a plusieurs sources d'exagération, si je peux dire, de cette part carnée. Il y a une autre source d'exagération qui vient des études qui sont menées depuis quelques années sur les isotopes stables du carbone et de l'azote. Alors, qu'est-ce que c'est que ce type d'analyse ? Eh bien, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Le principe n'est pas très compliqué. Le mettre en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Des éléments comme le carbone et l'azote qui existent donc dans la nature et qui participent à la constitution de molécules organiques, comme par exemple le collagène, qu'on peut extraire des os de rennes ou des os humains, eh bien, ces éléments sont définis par un certain nombre de protons et d'électrons. Et donc, il y a un nombre atomique qui définit le carbone, l'azote. Cela étant dit, il y a aussi dans les noyaux de ces atomes, il y a aussi des neutrons, et il peut y avoir des neutrons en plus, en moins. Et donc, on a des variétés qu'on appelle des isotopes d'un même élément, comme le carbone, qui peuvent être plus lourds que le carbone normal. Alors, il y en a très, très peu autour de nous, mais il y en a quand même. Pareil pour l'azote. Donc, il y a un azote 14, un azote 15, un carbone 12, mais aussi un carbone 13, un carbone 14. Et on étudie tous ces isotopes parce qu'ils nous informent sur des processus qui sont des processus physiologiques, et en particulier les processus de digestion et de fixation des molécules dans les tissus vivants. Alors on étudie aussi d'autres isotopes, on ne va pas rentrer dans ce détail aujourd'hui, mais on étudie l'oxygène, le soufre, le fer, le strontium. Ce qui se passe, c'est que, en fait, comme ces isotopes ont des masses différentes, eh bien, les molécules qui comportent, par hasard, du carbone 13 au lieu d'avoir du carbone 12, ou qui ont un atome de carbone 13, eh bien, elles vont avoir une masse qui va être légèrement supérieure à la molécule normale, à la molécule standard. Et donc, dans les processus physiologiques, elle va avoir tendance à se comporter de façon un peu différente, à être plus lente, si vous voulez, parce qu'elle est plus massive. Et en particulier, c'est le cas pour la fixation du carbone dans les plantes. Donc, les plantes absorbent du gaz carbonique, et ce gaz carbonique, eh bien, elle fabrique des tissus vivants avec, et elle rejette de l'oxygène. On a défini deux grands groupes de plantes qu'on appelle les plantes en C3 et les plantes en C4. Disons que les plantes en C3, c'est à peu près n'importe quoi, enfin, les algues, les fougères, les conifères, les arbres à fleurs, enfin, les herbes, presque tout ce qui vous entoure. Et puis, il y a des plantes qu'on appelle les plantes en C4, et ces plantes en C4, elles ont tendance à être un peu enrichies en carbone plus lourd, en carbone 13. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un circuit un peu plus long de fixation du carbone dans la plante, et ce sont essentiellement des plantes d'origine tropicale, des herbes tropicales, et puis, alors, il y a quelque chose autour de nous qui est une plante en C4 très très importante, c'est le maïs. Et donc le maïs, c'est une plante qui a été importée par les hommes dans les latitudes moyennes. Et donc on arrive par exemple à détecter très très bien la consommation de maïs par des populations préhistoriques récentes, hein, quand l'agriculture se développe, en utilisant ce taux de carbone 13 dans le collagène des tissus, des restes humains. Donc on a des plantes en C3 et des plantes en C4, qui au départ donc ont une quantité de carbone 13 différente, et ces plantes elles vont être consommées par des herbivores qui vont être eux-mêmes consommés par des carnivores, et à chaque étape il va y avoir un changement de cette proportion de carbone 13 par rapport au carbone normal, au carbone 12. Et donc on peut déjà en dosant ces isotopes du carbone, on peut reconnaître des chaînes trophiques, hein, des chaînes d'êtres qui se nourrissent les uns des autres, qui s'enracinent soit dans des biotopes où il y a surtout des plantes en C3 ou surtout des plantes en C4. Alors, si on s'intéresse à cette question du niveau trophique, il y a une autre source d'information très importante du point de vue isotopique, c'est l'azote. Je vous ai dit que les deux atomes qui étaient les plus utilisés pour reconstituer le régime alimentaire, c'est le carbone et l'azote. Et donc l'azote, varier en fonction du niveau trophique de façon assez forte. Alors, suivant qu'on parte de plantes en C3 ou de plantes en C4, les taux isotopiques de l'azote 15 vont être différents le long de ces chaînes trophiques. Mais disons que plus on s'élève dans la chaîne trophique, plus on va avoir des valeurs élevées, quantité de cet azote 15. Alors quand on combine le carbone et l'azote, eh bien on peut construire des diagrammes où on peut positionner des espèces animales en fonction des valeurs isotopiques qu'elles présentent. Évidemment, quand on a affaire à des fossiles, il est très important de tenir compte de la taphonomie, de l'environnement de ces fossiles. En général, on n'utilise pas des valeurs absolues de ces taux isotopiques. Ce que l'on fait, on essaie de pour un gisement particulier, même pour un niveau archéologique particulier, on construit un spectre d'espèces dont on connaît le régime alimentaire, dont on pense connaître le régime alimentaire, et puis on place là-dedans l'espèce inconnue, en général c'est de l'homme, savoir si cet homme, dans son régime alimentaire, il est plutôt plus près des hyènes ou plus près des chevaux ou des rennes. Donc c'est plutôt comme ça que l'on procède. Alors il y a... tout ça c'est merveilleux parce que ça permet d'avoir une mesure qui est une mesure quantitative. Et ce que l'on mesure, en fait, quand on place ces espèces sur ce diagramme, c'est, en fait, ce qu'on évalue, c'est la proportion de protéines qui viennent du monde animal. Et donc, en gros, plus on est élevé dans ces valeurs, en particulier d'azote 15, et plus on mange de protéines qui sont d'origine animale. Alors ça pose un petit problème, c'est que, évidemment, c'est un outil qui est très sensible à la consommation de protéines animales et qui est peu sensible à ce qui est consommé à côté, et en particulier des plantes. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le fait de trouver beaucoup d'os dans les gisements archéologique, ça nous inclinait peut-être un peu trop à penser que les hommes, c'était juste des chasseurs et qu'ils faisaient tous les jours un barbecue, manger du renne et rien d'autre. Les isotopes du carbone et de l'azote, surtout de l'azote, c'est un petit peu la même chose. Et vous voyez que cette courbe-là, elle vous montre comment varie la valeur, les valeurs isotopiques de l'azote 15 en fonction de la proportion de viande par rapport aux végétaux que l'on a dans l'alimentation. Et vous voyez que c'est pas du tout une courbe qui est linéaire. C'est-à-dire que dès qu'on a dans son alimentation, disons, plus de 20 ou 30% de viande par rapport aux végétaux, eh bien, on se retrouve assez près, très vite, des valeurs qui sont les valeurs des carnivores purs. Et donc, ça a tendance à exagérer le caractère carné de l'alimentation. Et un autre petit inconvénient à ces études isotopiques fondées sur le carbone et l'azote, c'est que je vous ai dit que on les extrayait du collagène. Alors le carbone, on peut l'extraire d'autre chose que le collagène. Le carbone, il est présent dans des tissus minéraux, même quand on a un os fossilisé où il n'y a absolument pas de matière organique, il y a du carbone dedans, parce qu'il y a des carbonates en particulier. Alors que l'azote, là, par contre, il n'y en a pas. Donc l'azote, il n'y en a que dans les matières organiques, et on est obligé d'extraire du collagène. Alors le fait de dépendre du collagène pour mener ce genre d'études, ça biaise aussi un petit peu les résultats. Pourquoi ? Eh bien parce que le collagène ne se conserve pas éternellement, donc c'est surtout, disons, pour les derniers, allez, 100 000 ans, 150 000 ans, qu'on peut utiliser ces méthodes-là. Quand on remonte plus loin dans le temps, généralement, on n'a pas de collagène. Et surtout, cette conservation du collagène, elle dépend des conditions de milieu et de la température. Et le collagène se conserve très bien dans des milieux qui sont des milieux tempérés ou froids, et il se conserve beaucoup moins bien quand il s'agit de milieux chauds ou très chauds, tropicaux. Et évidemment, enfin, on va en parler quand on parlera de l'alimentation chez les hommes de Néandertal, presque toutes les données qu'on a viennent de sites qui se trouvent dans les moyennes latitudes, voire dans des latitudes un peu élevées pour les Néandertaliens. Et vous voyez bien que, évidemment, si vous imaginez vivre dans les moyennes latitudes, disons le nord-ouest de l'Europe au Pléistocène, les ressources alimentaires vont peut-être être beaucoup plus orientées vers les sources animales que vers les sources végétales. Mais comme on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe dans les régions plus chaudes, peut-être plus riches en ressources végétales, du coup, là aussi, on a une vision un peu biaisée de la situation. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter les 24 et 31 octobre 2017, le cours de Jean-Jacques Hublin, « Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine ». Aujourd'hui, grandir avec un grand cerveau et s'alimenter. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Biologie de la culture, paléanthropologie du genre homo ». Et avec Bernard Sêtre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Un grand merci à Virginie Chauvetet et aux équipes de la documentation d'actualité. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son interrogation des contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine et son analyse de l'alimentation. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.